vécu. T'as vu certains perdre la vue à force de se prendre des coups à la chaîne. Même des coups de chaîne. Plus d'une femme craigne leur mari. Font des kilomètres pour se mettre à l'abri. Leurs filles et leurs fils s'aperçoivent de rien, ça craint. Le corps plein de bleu, ils n'osent pas aller voir le bleu. Trop peur de finir ses pieds sous terre. J'ai vu ma mère se faire étrangler, frapper en plein été. Le lendemain, le col roulé était de sortie. Cette soirée, je m'en rappellerai toute ma vie. Jamais je ne frapperai une fille de ma vie, je m'esclave. C'est pas parce que t'as quelques grammes que tu dois battre ta femme, lui éclater le crâne avec tes poings au point qu'elle trouve la mort. Dis pas que j'ai tort, tous les jours une femme est victime de violences conjugales. J'espère que mes rimes te font ressentir ce que je ressens. C'est pour ma mère, la chair de ma chair. Si tu touches, t'envoie en enfer. Ce texte c'est pour toutes les meufs qui se laissent pas faire, qui prennent des coups de barre de fer. Te laisse pas faire, serre les poings, tape ton conjoint. Ce texte c'est pour toutes les femmes victimes de violences conjugales par ces sales sauvages, ces sales sauvages. T'as vu, je vais te raconter l'histoire d'une femme qui s'est fait battre toute sa vie. Tu verras où elle a fini. Son mari, un alcoolo, un rigolo, un gigolo, qui la traite de pétasse et lui dit qu'elle a le dasse. Tous les soirs la même, elle n'ose pas élever la voix. Mais un soir, elle lui dit, je suis pas ton chien. Ce chien lui met une claque, une patate dans la rate, elle tombe dans les pommes. J'appelle, passe à un homme deux jours après. Elle sort avec un pull capuché pour cacher ses marques. Mais les voisins le remarquent. Ils demandent au mari et aux enfants ce qui se passe à la maison. Rien, elle pète les plombs. Maintenant, il a des visages alors que c'est elle qui prend des coups sur le visage par ce sauvage. Jusque ceux qui sont en dessous entendent tout, ils savent que c'est un fou. Un soir, ils décident d'appeler les poulets. Trop tard, elle est déjà enterrée en plein milieu de la forêt. Pourquoi ils ont appelé? Parce que le mari fait la même avec ses enfants. Faut être pire qu'un délinquant pour faire ça. Ce texte c'est pour toutes les meufs qui se laissent pas faire, qui prennent des coups de barre de fer. Te laisse pas faire, serre les poings, tape ton conjoint. Ce texte c'est pour toutes les femmes victimes de violences conjugales par ces sales sauvages, ces sales sauvages.